A partir deste momento, na Rádio Antena Web, iniciamos Grandes Músicas. Para ouvir com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Grandes Músicas aqui na Rádio Antena Web. Preparados para mais uma edição? Vamos trazer-lhe grandes músicas nesta que é a quarta edição de Grandes Músicas. Grandes músicas que hoje são também grandes sucessos, em alguns dos casos. Vamos começar com Bing Bowery, uma música de 1994 dos Pet Shop Boys. Ora, esta música tem uma duração total de quase 11 minutos, mais precisamente 10 minutos e 40 segundos. É uma versão mix, claro está, de um tema que fez sucesso na década de 1990, não só no ano de lançamento, mas também em anos posteriores. E é assim, ao som de Pet Shop Boys, que abrimos mais uma edição do programa Grandes Músicas. Thank you. É tempo de mudarmos de estilo no Grandes Músicas e ouvirmos Yannick Tyro com o tema Daddy Mori. É uma música com um ritmo diferente, mais para o R&B e que, no fundo, também tem uma duração de mais ou menos 13 minutos. Ora, é com esta, com estas duas músicas que vamos... Aliás, com esta música, aliás, que vamos seguindo nesta edição do programa Grandes Músicas. Programa Grandes Músicas, que tem como requisitos mínimos 8 minutos de duração para cada tema. Portanto, hoje ultrapassamos largamente, e nem sabem o quanto, esse tempo mínimo de 8 minutos. Ora, 11 minutos há pouco, arredondando para os Pet Shop Boys. Arredondando também, há pouco disse 13, não era 13, mas sim 11 minutos também para a próxima música que se segue. Recordo, Yannick Tyro com o tema Daddy Murray. São os próximos 11 minutos ao som de Yannick Tyro, um nome que em Portugal não é muito conhecido, mas que aqui nós vamos trazer. É mais uma grande música a tocar no Grandes Músicas. Puisque notre histoire commence en ce moment, je ne veux rien avoir à faire de plus important que te garder contre moi. Je sens battre ton cœur, ton souffle est doux. Je veux graver l'instant, laisse faire l'attraction qui nous lie. Saisissons notre chance pour qu'on soit tous les deux importants. Je ne le savais pas, mais en fait, je crois bien que c'est toi que j'attendais depuis longtemps. Et je te le dis maintenant, je sais que c'est le moment maintenant. Saisissons l'instant maintenant. Ne perdons pas de temps, après c'est tellement loin, je ne peux pas attendre à demain maintenant. Je sais que c'est le moment maintenant. Saisissons l'instant maintenant. Ne perdons pas de temps, après c'est tellement loin, je ne veux pas attendre. Alors j'en profite et je respire ton parfum et à l'oreille je te chuchote une ou deux choses. Et comme la musique ne va pas vite, je te sers encore un peu plus et sur le tempo on se pose. Ensuite tout va très vite, je n'avais jamais connu cela avant, si on seul l'amour en est la cause. Il ne faut pas que tu me quittes, je ne te connaissais pas, pourtant déjà ce sentiment s'impose. Et je te le dis maintenant, je sais que c'est le moment maintenant. Saisissons l'instant maintenant. Ne perdons pas de temps, après c'est tellement loin, je ne veux pas attendre à demain maintenant. Je sais que c'est le moment maintenant. Saisissons l'instant maintenant. Ne perdons pas de temps, après c'est tellement loin. Le temps va si vite, ne prenons pas de rendez-vous. Je ne sais même pas où je serai demain. Et si tu hésites, c'est parce qu'on se voit pour la toute première fois et que de moi tu ne sais rien. Et pourtant j'insiste, si t'as confiance en tes sens, dis-moi si tu te sens bien. Si je te mérite, si je t'invite, accepteras-tu qu'on fasse ensemble un bout de chemin? Et je te le dis maintenant, je sais que c'est le moment maintenant. Saisissons l'instant maintenant. Ne perdons pas de temps, après c'est tellement loin, je ne veux pas attendre à demain maintenant. Je sais que c'est le moment maintenant. Saisissons l'instant maintenant. J'aime ton style, je sais que c'est pas facile, yes. Mais moi-même je suis un gars difficile, yes. C'est pas de ma faute, yes, c'est mon style. Raga, raga, il faut que je tienne ma place, yes. Alors on vient avec des méthodes efficaces. Johnny Gap et Black Jack, ma shop partout où il passe. Et les girls aiment ça. Les sons rough and tough and rough and tough. Je te le dis maintenant, yo, je te le dis maintenant. Plein de choses à t'intéresser, me t'as dit au niveau maintenant. Yo, je te le dis maintenant, yo, je te le dis maintenant. Je t'envoie le temps boiteux. Je t'envoie. Et dans ce jamais, ce monde est en guerre. pas de quoi sera fait demain. Et je ne sais même pas combien sont ceux qui me veulent du bien, naman, yo. Let them all come back again pour tous les masses qui sont là, naman, a serious thing. Je ne sais pas de quoi sera fait demain et je ne sais pas quand est-ce que ce sera la fin. Sing, oui, oui, oui. Combien sont ceux qui veulent te voir mort et combien sont ceux qui te veulent du bien? Faut te demander ça again. Je ne sais pas de quoi sera fait demain et je ne sais pas quand est-ce que ce sera la fin. Sing, oui, oui, oui. Combien sont ceux qui veulent te voir mort et combien sont ceux qui te veulent du bien? Faut te demander. Je suis toujours au combat, crois-moi je lâcherai pas. Depuis Raga Sonic je tape, je te promets je faiblis pas. Il faut garder la tête haute, toujours regarder devant toi. La vie n'est pas un long feu tranquille, faut qu'on sauve ça. Certains essaieront de te freiner, à toi de les démasquer. Travaille avec ta famille, y'a que sur eux que tu peux compter. Pour ma part j'ai fait le choix, j'ai mis les parasites de côté, yo. Mais j'ai toujours ce refrain qui trotte dans ma tête. Je ne sais pas de quoi sera fait demain et je ne sais pas quand est-ce que ce sera la fin. Sing, oui, oui, oui. Combien sont ceux qui veulent te voir mort et combien sont ceux qui te veulent du bien? Faut te demander ça again. Je ne sais pas de quoi sera fait demain et je ne sais pas quand est-ce que ce sera la fin. Sing, oui, oui, oui. Combien sont ceux qui veulent te voir mort et combien sont ceux qui te veulent du bien? Faut te demander ça. Je suis très fatigué, mais je ne vais pas lâcher. Cela fait trop longtemps que je lutte pour esquiver la chute. Je suis très fatigué, je ne vais jamais m'arrêter. Je vais me donner les moyens d'y arriver. Si t'es d'accord avec ce que je dis, que tu sois Rasta, Bolé, Dourerti, pour toutes les ameurties, t'as dit mon rire un Didi. Serious thing. Am I timing out? Mm-hmm. Je ne sais pas de quoi sera fait demain et je ne sais pas quand est-ce que ce sera la fin. C'est boy, boy, boy. Combien sont ceux qui veulent te voir hors et combien sont ceux qui te veulent du bien? Faut te demander ça again. Je ne sais pas de quoi sera fait demain et je ne sais pas quand est-ce que ce sera la fin. C'est boy, boy, boy. La vie n'est pas aussi simple que tu le crois. Ton meilleur ami un jour peut te péter tes bras. Aujourd'hui t'es big et demain t'es au plus bas. T'inquiète pas la mère, je sais qu'elle serait là. Faut que maman terre soit tranquille dans sa villa. Faut que tu comprennes ce que je dis là. Fais toujours passer en premier ta mi-fa. La vie n'est pas un enfer tranquille, faut qu'on sache ça. Cette chanson je l'ai faite pour toi. Ces quelques mots sont juste pour toi. Je me demande ce que le futur nous réservera. Ces quelques mots sont juste pour toi. Je sais pas comment sera le futur pour toi et moi. Je sais pas comment ce sera pour toi. Je sais pas comment ce sera pour moi. Mais en attendant je veux t'entendre. Je veux t'entendre chanter ça avec moi. Je ne sais pas de quoi sera fait demain et je ne sais pas quand est-ce que ce sera la fin. C'est boy, boy, boy. Combien sont ceux qui veulent te voir mort et combien sont ceux qui te veulent du bien? Faut te demander ça again. Je ne sais pas de quoi sera fait demain et je ne sais pas quand est-ce que ce sera la fin. C'est boy, boy, boy. Combien sont ceux qui veulent te voir mort et combien sont ceux qui te veulent du bien? Faut te demander ça. João, já passou algum tempo, mas as festas de verão, genericamente falando, continuam aí. Ora, festas de verão e muita energia andam de mãos dadas. E por isso mesmo decidi retirar aqui um tema do álbum Festas Juninas, que tem a duração de, imagine, 13 minutos. E este sim tem então 13 minutos. Um tema instrumental com muita energia e ritmo para sambar, para forroar, vamos chamar assim. Deve estar mais para forró do que para samba. Mas enfim, é um tema que dá para libertar energias, dá para dançar, dá para sorrir, dá para sentir o ar lá fora, aquela energia, aquela boa onda, não é? Pois muito bem. Tem muito. Sabe o que é que me faz lembrar este tema que se segue? Pedra sobre pedra. Lembra-se? Essa telenovela da década de 90, aqui em Portugal, se não estou em erro, de 93. Pois muito bem. Ora, uma novela que marcou, na altura, as novelas aqui em Portugal. Pois muito bem. Vamos então ouvir este tema. Festas Juninas é do álbum do qual é retirado este tema. São 3 minutos ao som de muito ritmo. Thank you. Thank you. Deixar-vos, é verdade, vou deixar-vos com mais 24 minutos. Uma vez Eric Clapton e Carlos Santana juntaram-se ao vivo. Uma aparição que já ouvi chamar de muito rara. Não tenho conhecimento, confesso, para dizer se sim ou se não, mas a verdade é que nesta faixa aparece a indicação de very rare. Por via das dúvidas. Fica esta informação com a nota também de que não posso falar por mim. Ou seja, não posso falar por experiência ou por conhecimento. Mas a verdade é que não, assim, é um acontecimento único. Cada vez que Carlos Santana e Eric Clapton se juntaram, e aposto que foi mais do que uma vez, certamente que saiu coisa muito boa. Ora, dois dos maiores nomes do blues a juntarem-se, só pode dar algo de realmente extraordinário. É isso que vamos ouvir agora nesta intervenção, que ainda por cima é ao vivo, que torna a coisa mais autêntica. 24 minutos de Eric Clapton e também de Carlos Santana, os dois em conjunto. E é então ao som de Eric Clapton e de Santana que vamos fechar a edição de hoje do programa Grandes Músicas. Esta é mesmo muito grande. Até para a semana.